boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce soir, c'est une promenade très hétéroclite que je vous propose, le seul fil rouge. En fait, il y en aura que des titres live et comme toujours, des artistes issus de mes playlists personnelles. Parmi tous les groupes des années 80, remplis de chanteurs en playback permanent et des boys band bodybuildés, on vient d'écouter à l'instant Jimmy Somerville et ses Blonsky Beat passer à travers toutes les crises de la fin du XXe siècle. Âge d'or de la New Wave, la décennie 80 a apporté Depeche Mode, Cure, les Smiths, mais plus médiatique et plus populaire à l'époque, mais moins endurant, il y avait le duo de Roland et Kurt, Tears for Fears, avec notamment en 85 le titre Shout. Shout. il y avait donc Kurt Smith et Roland Herzabal avec Tears for Fears, mais il y avait aussi Jim Kerr qui en 85 offrait un titre anthologique à un film d'étudiant prépubère. Simple Minds chantait Don't You Forget About Me et moi je dansais aux médians. For all those who didn't forget, this is dedicated to Bob Geldof and Bill Graham and everyone who put this on the whole organization. This is called Don't You Forget About Me. Et puis il y avait aussi l'increvable Bob Smith, qui nous a offert dans les années 80 les plus belles intros et les mélodies les plus inspirantes, tout en étant capable de nous faire danser, sauter, crier, notamment dans le meilleur concert qui d'après moi a eu lieu dans l'écrin du théâtre antique d'Orange, à l'époque où le Front National essuyait ses Doc Martens sur les petits gris au fond des cités du Puy. Ce soir, rendez-vous en 1979 pour un live de 10-15 Saturday Night des Cure. Quelques années plus tard, Bono était encore un vrai rocker, pas un rebelle, non, surtout pas, malgré son look et ses textes, mais il y avait quand même une belle âme, surtout quand il chantait Party Girl, titre qu'on trouve exclusivement dans l'album live Under a Blood Red Sky, capté dans le site lunaire de Red Rocks. On écoute donc U2 avec Party Girl. She won't tell me her name. Oh no, not me. I On écoutait donc à l'époque aussi Téléphone, Bernard Lavillier, mais aussi donc les Cure et autres Immaculate Souls. Et puis à la télé, un jour, on a découvert les provocateurs de Frankie Goes to Hollywood. Quelle claque! Surtout lorsqu'un soir de 1986 ou 1987, dans le vieux vélodrome de Grenoble, avec des potes, on a crié et sauté avec Holly Johnson. Ce n'est que quelques années plus tard que j'apprenais que les deux leads guitares jouaient en playback. Tant pis, on avait quand même adoré. Rappelez-vous. Relax, don't do it. When you wanna suck it, do it. Relax. Et après From Kill Goes to Hollywood, on remonte un petit peu le temps pour se retrouver à la fin des années 70 et au tout début des années 80. Police rencontrait alors un succès planétaire en disant doudoudou, da-da-da ou en marchant encore sur la lune. J'aimais sans être fan, mais il y avait la péripatéticienne la plus célèbre du monde qui arrivait, Roxanne. Those days are over. You don't. Allez, on est toujours bien calé dans Pop and Rock sur RVR. Le groupe que je connais le moins parmi ceux que je programme ce soir, c'est Pixies. C'est peut-être celui qui a créé le plus de vocation parmi les groupes des années 90. On écoute donc Pixies avec Gadgeaway. À présent, grand écart musical parce que ce qui suit, c'est juste pour Manila qui ne connaissait pas le meilleur album live de Mark et de ses potes de Dire Straits, Alchemy. Star en France avant de devenir un groupe mondialement reconnu, Dire Straits, pour 12 minutes 53 de Telegraph Road. time ago, come a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. Then he put down his load where he thought it was the best. Cabin and a winter storm. He plowed the ground by the cool lake shore. The other travelers came walking down the track. They never went further, no, they never went back. Then came the churches, then came the schools, then came the lawyers, then came the rules, then came the trains and the trucks with their load. And the day old track was a telegraph room. Shut it all down. I got a right to go to work. No work ain't to be found yet. They say we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to play reef from the sea to soul. When all the birds up on the wires and up on the poles, they can always get out of this rain and this cold. And you can hear them send out their telegraph cord all the way down the telegraph road. Soon I'll forget, but I remember those nights. Yeah, life was just a bet on a race. Between the lights, you had your head on my shoulder and your hand in my hair. Now you're acting a little cold, like you don't seem to care. What, just believe in me, baby, and I'll get you away. I'm gonna get you out of this darkness and hit you today. From all these rivers and lights, from these rivers of rain, from the anger that lives on. Every red light from memory lane, I see desperation exploding into flame. And I don't wanna see it again. From all these signs, just saying sorry, but we're closed. C'est sûr, ce soir, je vais oublier des lives mythiques, mais il faut faire des choix, alors j'y vais, j'assume, et je vous lance le groupe d'Atlanta, fan de la Britpop de Manchester, qui inspire non pas leur musique, mais le nom de leur groupe. Allez, on se fait Virgin, des Ricains de Manchester Orchestra. Qu'en Irlande, U2 ne passe plus beaucoup de temps, les Iliens ont besoin d'autres inspirations. Alors moi, je propose une session live acoustique des Fontaines DC, pour ne pas oublier qu'en Irlande, il n'y a pas que Guinness, même s'il doit y avoir pas mal de bière à la source de beaucoup de titres des groupes irlandais. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Thank you. heard on in the Bowery. Learning people with its song. Caught from second-hand cloth. Make a win and feel young. I heard him serving as a soldier in the islands of the earth. Threw himself before a bullet and threw the medal to the dirt. Hear the man's word, I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't wanna belong to la la la la la.